Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 17. De la fausseté dans les choses, dans les sens, dans l'intelligence, son opposition à la vérité. 1. Y a-t-il fausseté dans les choses? Il n'y a vérité ou fausseté dans les choses que tant qu'on les rapporte à un entendement. Elles sont dites fausses absolument par leur rapport avec celui dont leur être dépend, et fausses relativement quand on les compare à un autre entendement avec lequel elles ne sont qu'accidentellement en rapport. Or, les choses naturelles dépendent dans leur être de l'intelligence divine, et les choses artificielles de l'intelligence humaine. C'est pourquoi les œuvres artificielles sont fausses quand elles n'ont point la forme prescrite par l'art. Un palais qui blesse les lois de l'architecture est faux. Les choses naturelles ne sont point fausses par leur rapport avec l'intelligence divine, car elles n'arrivent que selon les vues de la Providence, excepté peut-être dans les agents libres, qui, seuls, ont le pouvoir de se soustraire à l'ordre universel, ce qui fait que l'Écriture appelle le péché une fausseté et un mensonge. Mais, relativement à notre intelligence, à laquelle ces choses ne se rapportent qu'indirectement, on dit qu'elles sont fausses par expression et par causalité, par expression, comme dans cette phrase, le diamètre n'est pas commensurable, par causalité, quand elles font naître une fausse opinion, à en juger sur la simple apparence. Ainsi nous appelons faux les êtres ou les objets qui ressemblent à d'autres extérieurement sans en avoir la nature, le fiel est un faux miel, l'étain un faux argent. Note. Nous qualifions de la même manière les hommes qui aiment les opinions fausses et les discours trompeurs. Fin de la note. 2. Y a-t-il fausseté dans les sens? Premièrement, la fausseté n'est pas dans les sens à l'égard des sensibles propres, à moins que quelques lésions organiques ne les empêchent momentanément de percevoir les formes sensibles d'une manière convenable. Deuxièmement, la fausseté peut se trouver dans les sens à l'égard des sensibles communs et des sensibles accidentels, alors même que les sens sont à l'état normal. Car ces objets ne nous sont connus par nos sens qu'indirectement et au moyen de certaines déductions. Note. Les sensibles propres, sensibilia propria, sont les choses qui se rapportent directement à chaque sens, la couleur pour la vue, le son pour l'ouïe, l'odeur pour l'odorat. Les sensibles communs, sensibilia communia, sont les objets perçus par plusieurs sens externes, ainsi l'étendue, qui est perçue par le toucher et par la vue. Les sensibles accidentels, sensibilia accidentalia, sont les choses qui ne sont pas sensibles par elles-mêmes et qui ne tombent sous nos sens que par une autre à laquelle elles sont unies. La substance, par exemple, n'est perçue que par ses modes extérieurs. Fin de la note. 3. Y a-t-il fausseté dans l'intelligence? Notre intelligence ne se trompe point dans la perception des essences ou idées simples. Elle est également infaillible dans celle des premiers principes, qui la subjuguent par leur irrésistible évidence. Il en est d'elle comme de nos sens, qui ne sont pas sujets à l'erreur à l'égard des sensibles propres. Mais, de même que les sens peuvent se tromper sur les sensibles communs et sur les sensibles accidentels, l'intelligence peut faillir aussi dans la composition et la division des idées simples en attribuant à certains êtres des propriétés qu'ils n'ont pas, et même dans la simple perception des essences, quand elle y joint le jugement, soit qu'elle attribue à une chose la définition d'une autre, à un cercle, je suppose, la définition de l'homme, soit qu'elle associe deux définitions qui se repoussent, comme dans cette proposition, l'animal raisonnable a quatre pieds. Alors c'est le jugement lui-même qui donne dans l'erreur. Mais, répétons-le, l'intelligence est toujours droite quand elle se borne à la perception simple des premiers principes et de l'essence des choses, dans ce double domaine, ou bien elle est dans le vrai, ou bien elle ne perçoit rien. Note. Aussi ne comprenons-nous proprement une chose que quand nous l'avons ramenée à ses principes essentiels, comme nous le faisons dans les démonstrations rigoureuses. Fin de la note. 4. La vérité et la fausseté sont-elles contraires? La fausseté n'est pas seulement l'absence de la vérité, elle lui est positivement contraire, car le faux affirme ce qui n'est pas et nie ce qui est. Quand le vrai, en effet, dit équation entre l'intelligence et les choses, le faux affirme disproportion. Entre le vrai et le faux il y a, comme on le voit, opposition par les contraires. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.